fasciste, aux détracteurs de l'ennemis, aux politiques synthétiques, aux partisans jamais contents, à l'anarchiste mal léché, aux conservateurs périmés. Je dis lâché, connard, lâché. Aux simples prêtres, aux pédophiles et aux rois de leur évangile, aux géniteurs de clones impurs, aux destructeurs de la nature, je dis lâché, connard. Aux critiques de notre musique, aux fans de l'héros de la radio, à l'auteur de cette putain de chanson et son statut dans la tour, je dis lâché,